Oui, je crois que c'est bon. C'est bon ouais. Pour tout le monde. Et là, parti quand tu veux, Clara. Et là, ça marche. Ouais, je sais pas si ça marche. Oh. À la badabada. Ouais, c'est pour ça qu'il faut bien avoir un œil sur le, avoir le conducteur en tête. On t'entend bien, Marc. J'entends, je t'entends. Voilà, par exemple, le premier groupe. Ouais. Oui. Ouais, vous pouvez, ouais. Ouais. C'est pas mal. C'est comme les accordages au début du concert. Oups. 1, 2, 3, 4. Allô, c'est bizarre. Ouais. Est-ce que vous m'entendez aussi? Oui. Ouais, très bien. C'est une séquence qui est écrite. Hein. Est-ce que vous êtes tous prêts et toutes prêtes? Oui. Ouais. Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Bienvenue à toutes les oreilles, les sensibles, les musclées, les sifflantes, les entraînées, les innocentes. Vous écoutez l'école d'hiver du Cresson, l'émission radiophonique qui fait voir ce que nous entendons. Cette école d'hiver, la 12e de ce nom, est organisée par le laboratoire Ambiance, Architecture, Urbanité, Cresson. Cresson, pour Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. Un vaste travail scientifique et sensible qui prend le parti d'écouter pour regarder, comprendre et transformer le monde. Une école d'hiver, c'est une semaine d'exploration collective sonore, une quarantaine d'écoliers, des conférences, des séances d'écoute, des idées qui bougent et beaucoup, beaucoup de discussions. Et c'est à l'antenne que nous avons choisi de vous transmettre une partie de cela, grâce aux ondes de Radio Campus Grenoble que nous remercions très chaleureusement. Nous avons préparé une émission radiophonique, unique, avec des morceaux choisis, des transitions, des virgules acoustiques, des créations sonores conçues pour ce moment de radio, enregistrées dans la grande salle de l'Aquarium. Voici venir l'école d'hiver, une émission radiophonique qui, pendant 2 heures, vous fera entendre les expériences de 8 équipés éphémères, fabriquées grâce à la Maison de la Création et de l'Innovation du campus de Grenoble. Bienvenue, vous allez voir ce que vous allez entendre. Les ambiances du campus, sonorité et hospitalité. Paul, Marc, Sébastien, je crois que vous êtes à l'origine de cette semaine particulière. Je vous laisse la parole pour que vous nous expliquiez de quoi il s'agit. Oui, merci Lolita. Alors cette année, l'école d'hiver du Cresson s'est lancée en quête de l'ambiance du campus. Tout d'abord, c'est quoi une ambiance? Avec l'ambiance, il s'agit moins de percevoir un paysage ou de mesurer un environnement que de ressentir des situations et d'éprouver le tissu sensible de la vie sociale. C'est dire que l'ambiance convoque simultanément toutes les modalités de la perception, c'est-à-dire la vision, l'audition, l'olfaction, le toucher, le goût et le mouvement. Et partir en quête d'ambiance, c'est aussi se demander ce qui rend un espace habitable, accueillant, hospitalier. Suivant cette piste, nous en venons donc à explorer ce qu'est faire une expérience ordinaire et commune, celle du campus. Mais est-il habitable? Pour qui et pourquoi l'est-il? Le campus est une enclave dans une ville enclavée. Nous nous intéressons au campus comme un lieu d'études, un lieu de travail, un lieu de vie, lieu de sociabilité, lieu de lutte. 60 000 étudiantes et étudiants, 10 000 personnels, parsemés sur 175 hectares qui se frottent à des zones industrielles, commerciales, des maisons pavillonnaires, des grands axes de communication. On trouve aussi un mare, quelques bois, un arboritum, une rivière qui serpente le long de ses limites, une diversité inattendue d'espèces végétales, d'insectes et d'oiseaux, et quelques renards aventureux. Ouais, mais tout n'est pas rose sur le campus, Marc. L'Observatoire de la vie étudiante indique que les conditions de vie des étudiants se dégradent d'année en année, affectant à la fois leur santé comme leur réussite. Malgré d'énormes investissements dans des bâtiments intelligents, dans des équipements sportifs, dans des infrastructures d'enseignement, mais alors pourquoi, malgré tous ces investissements, les conditions de vie continuent-elles à se dégrader? Et comment peut-on y réfléchir ensemble? C'est peut-être que le campus n'est pas que un lieu dédié aux études qui produit des diplômés et des personnes employables. Mais plutôt, c'est aussi une infrastructure sociale composée de différents espaces capables de favoriser toute une diversité, une pluralité d'interactions sociales. C'est ici qu'une attention particulière aux ambiances, à la qualité même des différents lieux, différents milieux, nous donne un sens plus holistique, plus rond, de ce qui fait un campus, de ce qui fait ce campus. Et l'école d'hiver s'intéresse au son, non? Quel est le rapport avec les ambiances, Paul? Pour nous, le son est la route royale vers les ambiances d'un lieu. En se concentrant d'abord sur les perceptions et en se posant la question de ce qui habite ces espaces et ces temps du campus. Le son permet de comprendre combien nos quotidiens sont composés d'une multitude de gestes, de pratiques, de comportements qui sonnent. Ainsi, on peut se demander ce que raconte l'ambiance sonore d'une bibliothèque, d'un restaurant universitaire, d'un fleuve, de couloirs et de salles de cours, etc. Et que nous disent les histoires d'écoute de celles et ceux qui viennent sur le campus et ont leurs habitudes. Des habitudes qui doivent beaucoup, il faut le dire, à ce que l'oreille sent, perçoit et comprend du monde alentour. C'est par l'écoute que nous avons décidé d'entrer sur le campus, de penser nos manières d'enquêter ce territoire singulier. Cette semaine, on a eu 40 participants et participantes de différents horizons, étudiants, étudiantes, artistes, chercheurs, chercheuses. Deux jours de conférences, on a eu le collectif L'Alca qui travaille sur l'habité précaire et l'hospitalité à Lyon. On a eu une soirée au théâtre Sainte-Marie d'en bas avec le collectif Regard des lieux, Radio Campus qui nous a accueillis, une visite du campus par Noël Dumollard de l'UGA et Lolita Voisin qui nous a aussi accompagnés sur toute la semaine pour la préparation de cette émission. Cette semaine, c'était aussi deux jours d'exploration en groupe sur le campus, micro en main, pour partir en quête de ces questions d'ambiance et d'hospitalité. Alors, on vous propose de partir avec nous à l'écoute de ces sonorités et de ces témoignages. Merci Sébastien. Alors, nous passons la parole au premier des 8 équipés qui vont se suivre et nous présenter leur travail. Un travail qui invite, comme Juliette Vauclair l'écrit si bien, à faire un pas de côté. L'inouï n'est pas le spectaculaire, c'est tout l'inverse. Une attention au moindre son, un décentrement de l'écoute, la découverte de musicalités nouvelles. Une belle métaphore de tout travail, de composition, en somme. Ciao, sono Riccardo e state ascoltando Radio Campus 90.8. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à l'écoute sur les ondes de Radio Campus Grenoble. Pour cette exploration sonore autour du thème de l'hospitalité et de l'ambiance, nous avons choisi d'aborder l'infime et les microsons. Cette approche par les détails sur le campus nous invite à écouter des sons qui passent sous le seuil de notre perception, des éléments sonores diffus auxquels on ne prête plus vraiment attention tellement ils imprègnent nos expériences ordinaires. Bonjour à tous, bonjour Noémie. En effet, nous vous invitons à un temps d'écoute autour de l'infraordinaire sonore de nos quotidiens. Nous sommes allés capter des sons moindres dans des paysages sonores variés, des espaces de plein air, des intérieurs animés et d'autres studieux, propices à la concentration, au calme. On s'est laissé guider par nos oreilles, mais on a aussi été aidé par certaines personnes rencontrées lors de nos explorations. Ils et elles ont orienté notre écoute vers quelques objets et des sons particuliers. Un grand merci à Nathalie, au technicien de la machine à café du bâtiment de Sciences Po et au maître nageur de 13h30 ce mercredi. On va commencer en douceur, ouvrez bien vos oreilles et laissez-vous porter. Bonjour. Dans ce premier extrait autour des infrasons captés en extérieur, vous avez peut-être reconnu les souffleries des nombreux transformateurs qui occupent le campus, les rythmes de vos pas lorsqu'ils foulent l'herbe ou le bitume, ou encore le tintement d'un antivol de vélo sur le départ. Entrons à présent un peu plus dans l'univers sonore d'un autre espace. La texture sonore de cet espace animé était ici composée des ronflements des machines à café, d'une affiche que l'on décolle, des pédales d'un vélo chargeur de portable, du bruit strident du portique d'entrée de la BU, du contact des cartes étudiantes sur les scans, et des bruits de pas qui résonnent dans la cage d'escalier de cette même BU. On va suivre justement ces pas pour entrer dans un autre lieu, aux pratiques sonores différentes. Thank you. un truc beau. T'as vu ça, les petits monstres, les petits trolls. La fin de cette balade sonore au sein du campus tient dans sa partition des sonorités d'éléments ordinaires qui vous entourent. Une imprimante qui vrombit, les touches d'un clavier d'ordinateur, un feutre sur un tableau. Voilà, c'est un petit aperçu de cette multitude de sons plus ou moins perceptibles qui s'offrent à une oreille attentive. Pour nous, l'hospitalité des lieux, c'est aussi l'ensemble des sons qui composent la symphonie ordinaire du campus. En zoomant sur certains détails de ces ambiances, on a observé des pratiques sonores propres au lieu, toutes marquées par un ensemble d'infrasons qui forment une mosaïque sonore familière. Merci pour votre écoute. Cette exploration sonore a été réalisée par Charline, Nicolas, Patricia, Noémie, lors de l'école d'hiver du Cresson. Si votre oreille est toujours attentive, vous entendez déjà derrière ma voix un son qui vous est peut-être familier. C'est un indice pour la suite. Écoutons à présent Sarah, Lou, Emeline, Maëlys et Malou. Plouf. Besoin primaire d'une matière. Rituel de l'ordinaire, routines anodines, petit rien du quotidien. De chagrin. Oh, Méro, sèche tes larmes. Gaspillée, épuisée, contaminée. Oups, touche écoulée. Défi planétaire. Retraite, climat, même combat. Se battre, lutter pour ne pas qu'elle nous lâche, sans non plus qu'elle déborde. Eau qui rassemble, eau qui relie. C'est la bière plutôt qui rassemble. Sa mémoire sourde, sa mémoire souterraine. Qu'elle nous reste sereine. Souvenir. Souvenir. Souvenir. Souvenir. Et sur le campus, elle sonne comment ? Mais pff, de quoi il parle à la radio, franchement, là ? Qui suis-je ? J'étais là. Avant le campus. Tu te sers de moi au quotidien. Je tombe, je me fige et je circule. T'as mis toutes tes affaires ? Oui, je pense que j'ai rien oublié. Ok. Moi, j'ai des pulls. Tu veux qu'on mette température basse ? Ouais, plutôt. C'est plus sûr. Hein. Ok. Bon, on s'y met, on a pas mal de choses à faire là. Moi j'ai besoin d'une pause. Tu veux prendre un petit café ? Allez. J'ai arrêté de boire du café. J'en buvais beaucoup quand j'étais en prépa. Mais je suis beaucoup plus heureux depuis que j'en bois pas. Faut pas boire du café, après on est stressé. Je vous jure. Tu te sens plus zen là ? Ouais, beaucoup plus. Café. Quand je buvais du café, j'avais l'impression que je pouvais me battre à tout moment. Alors je suis quelqu'un de très calme pourtant. Et quand vous vous retrouvez, vous buvez quoi ? Quand on des bières. On prend de la bière, ouais. La bière ou alors un peu de Ricard si on a envie d'être joyeux un peu. Le Ricard, il y a de l'eau dedans. Hein. Ouais. Mais pas trop sinon. Pas trop. C'est un peu comme tout dans la vie finalement, faut pas trop en mettre. Faut pas trop mettre d'eau dans la vie. Ouais. Tu me dis que j'ai pas peur, je vais faire. Moi, je suis monde là, non ? Ouais. Mais attends, vous voulez pas le prix, moi, je vais. Ah ! C'était pas stressé, c'était bien. Je suis là, ce monsieur-là, c'était le strac, là. Ah, mais ça s'est pas assez. Ouais. Pour laver des choses, ouais. Genre faire la machine, les vêtements, tirer la chasse. Mais faut pas trop tirer la chasse, c'est pas bien. Faut se laver. Faut se laver aussi, faut se laver. Faut c'est pas trop se laver. Si, faut se laver. Pourquoi, c'est une question piège ça ? Non, pas du tout. Et vous utilisez comment l'eau ? L'Isère ? Ah non, il y a une couleur, mais c'est une odeur. T'avais bloqué, c'est l'Isère ? Oui. Mais non. Trop forte. C'est l'Isère ? Oui, c'est l'eau en... Ah, c'est l'Isère, toi. Ouais, qu'est-ce que... Énorme. Est-ce que tu savais que l'Isère pouvait ici ? Bah, c'est l'eau qui passe. Le fleuve. Good afternoon. You're listening to Campus Radio 90.8. This is Mark. Après avoir partagé tous ces récits de gouttes d'eau, on va se demander si l'accueil coule de source sur le campus. Bienvenue à ces récits des premiers jours. Prochaine station. Gabriel Forêt. J'arrive sur le campus, en tram. C'est grand, un campus à l'américaine, un peu comme tous les trucs américains, XXL. C'est vert, avec des grands bâtiments et des grandes allées. Ici, c'est entouré de montagnes. C'est aussi peuplé, bruyant, dense, surtout aux heures des repas. Comment arrive-t-on sur un campus ? Par qui, par quoi est-on accueilli ? Des gens ? Des bâtiments ? Des oiseaux ? Nous et l'autre, arrivés et accueillis sur le campus universitaire. Elliot Ducharme, Guy Raoul Conan, Clyde Bouilly et Mako Conan. Le site internet, vous y avez accès en flashant le QR code, c'est très vite, c'est pas une appli, il n'y a rien à télécharger. Vous allez directement sur internet, la journée du lycéen, pour avoir tout le programme de la journée, les endroits où ça se passe, vous savez tout. Globalement, je trouve que le campus, c'est un endroit assez solitaire. Enfin, si on n'a pas de connaissances, tout ça, on a difficilement accès à des personnes pour nous renseigner, quoi. En réalité, l'hospitalité, peut-être qu'on la trouve au sein de l'UFR avec les amis qu'on trouve. Oui, au sein d'un groupe, dans nos filières, ouais, directement dans nos filières. D'accord. Que dans la rue, parce que les gens, en fait, chacun fait sa vie. Ouais, c'est un peu. Il y en a qui viennent que pour les cours, puis ils repartent. Enfin, ça se voit que ça bouge tout le temps, il y a tout le temps des choses qui changent. Je trouve que c'est convivial quand même, mais c'est assez solitaire, quoi. Ah, ok, c'est quand même convivial. Non, c'est quand même convivial. Si on va à la bibliothèque, non, c'est chaleureux, enfin, on est bien accueillis, mais c'est solitaire en général. Après aussi, dans certaines filières, il y a les systèmes de parrainage. Moi, je vais beaucoup voir des gens, mais après, tenir sur la durée, les voir régulièrement, faire des choses ensemble, c'est autre chose. Mais l'ambiance est bien, en fait. Je pense que c'est plus nous. Entre guillemets, problème, pas un problème, mais. Jamais en cours ces deux-là. Et il faut y aller maintenant, ça suffit. Voilà. Un peu de soleil, elle va ne plus aller en cours. Voilà, on est arrivé un beau mardi sur le campus lors de la journée du lycéen. Ça rajeunit, ça donne un coup de vieux, ça dépend. Et toi, Clyde, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé sur le campus et comment tu as été accueilli ? Alors, moi, je suis arrivé sur le campus en septembre 2018. Je venais du Gabon après ma licence et je venais de faire mon master. Et j'ai été accueilli par l'administration de l'UFR Arche, Arts et Sciences Humaines, qui m'a par la suite présenté au bureau des étudiants, le BDE. Et par la suite, j'ai rencontré les amis du master, les collègues du master, qui, avec les amis du BDE, m'ont intégré au sein du campus. BDE, alors du coup, ça veut dire quoi déjà BDE ? Bureau des étudiants. Bureau des étudiants, c'est une sorte d'association étudiante, quoi. Oui, c'est une association étudiante. Ok. Et tu me disais tout à l'heure que tu avais été aussi accueilli par la communauté gabonaise. Oui, en arrivant, j'ai eu en quelque sorte un parrain au sein de la communauté qui, pendant les premiers jours, m'a montré un peu comment ça se passait dans la ville. Comment prendre des transports, comment faire ma carte de transport également, l'ouverture de mon compte bancaire en arrivant, et aussi comment faire des démarches administratives ici à Grenoble. des démarches administratives qui étaient nombreuses ou... Oui, quand même. Quand même, ouais. Ça, c'est aussi un certain accueil, quoi. Oui. Et est-ce que quand tu es arrivé sur le campus, tu as entendu parler du patio ? Oui, j'ai entendu parler. J'ai participé à un événement du patio, mais je ne suis jamais parti. D'accord. Eh bien, le patio, Guy Raoul, le patio en quatre mots. Le patio en quatre mots, je dirais commensalité, mi-gratitude, migrant et patio. Et là, il y a deux mots que je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux me les réexpliquer, s'il te plaît ? Alors, nous, quand je dis nous, c'est bien sûr nous qui sommes allés à la chasse des sons. C'est une expérience assez belle. Je découvre, hein, je suis d'une autre école doctorale qui n'a rien à voir avec le son, bien sûr. Et là, pour nous, on a considéré le patio comme étant un lieu de commensalité, dans le sens où là-bas, on va dire la commensalité se réfère à une relation où deux espèces vivent ensemble sans que cela ne soit nécessairement nuisible ou bénéfique. La commensalité qui explore également les diverses formes et fonctions du repas partagé. D'où ces implications sociales, politiques et potentiellement sanitaires. Alors dès lors, cette commensalité, s'entrelace naturellement avec celle du partage des aliments et des ressources à l'échelle, on va dire locale et mondiale. Alors, pour nous, le patio est la maison communément fréquentée où la vie, finalement, des migrants se mène, bien sûr, qui sont sans abri, hein, se mène en commun, avec un repas partagé, des intentions partagées, des luttes communes pour la conservation, bien sûr, d'un espace assez litigieux et réclamé. Et cependant, on a considéré que ce lieu commun-là, en faisant un clin d'œil à Hannah Arendt, demeure leur chemin qui leur offre un bien-être fraternel. Et tu voulais revenir aussi sur un autre mot que tu nous avais présenté pour le patio ? Oui, je parlais de migratitude parce que moi, je suis dans le domaine de la migration et... Effectivement, Hannah Arendt, à qui tu fais des clins d'œil, voilà. Que j'apprécie beaucoup, c'est une histoire. Voilà. Et bien sûr, en réfléchissant sur cette communauté migrante-là, à un moment donné, et bien sûr, l'approche politique de la gestion de la question migratoire, elle a parlé de migratitude. Bon, bien avant que moi je ne découvre cela, c'est bien qu'elle n'a pas développé dans... assez comme je le souhaitais, mais déjà c'est pas, on va dire, ce qu'elle a commencé à développer s'emboîtait un peu dans ce que moi je pensais, je considérais, c'est-à-dire que le migrant qui arrive, comment il est traité, est-ce qu'il est traité par rapport à son comportement, est-ce qu'il est traité par rapport à sa manière d'être, voilà. Et donc moi, migratitude pourrait être compris comme une attitude positive ou de reconnaissance envers la migration et le migrant, et en associant bien sûr le préfixe migra qui est lié à la migration et le suffixe tude lié à l'attitude. Donc le terme suggère donc une disposition favorable envers le déplacement géographique mettant en avant une appréciation ou une reconnaissance envers la migration et le migrant. Voilà. I nous qu'on a battu tout dernièrement. On a sorti de la campagne. On a battu nous tous. Même hier, nous aussi, on a été battus. Ah voilà. Mais quand même, on est qualifiés. Mais quand même, nous, on est qualifiés. Ah bon? Ouais. La Guinée? Oui, ah, mais c'est sûr. Bon, Bachua a été ouvré depuis en 2017, le 3 décembre. C'est des étudiants qui étaient là en 2017. C'est eux qui nous ont trouvés au pôle Mistral, on était nombreux. On dormait au froid. Donc, ils ont trouvé une idée. Dans le parc, vous dormiez ? Voilà, oui. Au dehors, plein froid. Le premier leader nous a amené à la... campus ici, on est parti derrière ici, on a fait 2 jours là-bas, réunion avec l'université, on a concré avec les étudiants jusqu'à on nous a fourni cette maison. On nous a fourni ça pour 3 mois. Les deuxièmes 3 mois, toujours, la manifestation est venue, la devanture, on marchait devant différents bureaux. Jusqu'à on nous a oubliés ici maintenant. De 2017 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on est là. Pour le moment, on est 68 personnes. Ouais, il y a des chambres, il y en a 8 personnes, il y a des chambres, il y en a 6 personnes. On dit un mieux que zéro, c'est plus mieux qu'au dehors. Bonjour, pardon. Hein. Ouais, même, oh, les filles, bébé, ça va. Même les filles, ils ont 30 personnes dans leur chambre alors là. Oui. Je suis. On dit patio, c'est petit. Est-ce que ça veut dire quoi, patio? Patio solidaire. Il y a une infinité de manières d'habiter le campus. Certaines et certains n'y font que passer. Le campus n'est pour eux qu'un lieu d'étude, leur vie est ailleurs. D'autres y demeurent, peut-être malgré eux, mais ils y trouvent quand même un point d'ancrage, un lieu de solidarité, un peu de chaleur humaine. Espace solitaire pour les uns, lieu d'accueil pour les autres, le campus est un monde qui englobe plusieurs mondes. Il suffit de savoir écouter. Ben moi, mon endroit préféré, j'ai de l'association, c'est un peu partout, parce qu'il y a du vert un peu partout, et c'est ce que je cherchais. Je pense que les étudiants, ils vont dans leur formation et ils font des lignes droites un peu. Je pense que c'est l'aspect nature, genre les animaux et tout. Des fois, je vois des écureuils, enfin surtout quand aux heures où il n'y a pas beaucoup de gens. Et puis aussi l'air qui est plus agréable qu'en ville. Ouais. Et ouais, ça joue beaucoup, je pense. J'essaie de faire ma vie ici un peu, à Saint-Martin-d'Air. Et en vrai, ça va. Bah, le week-end, c'est beaucoup plus calme. Bah, y a les sons de la nature, un peu. Le son de la pluie aussi, parce qu'il pleut beaucoup ici. Il pleut pendant longtemps. Des fois, il y a aussi, ça dépend des endroits. En hiver, pas trop parce que les feuilles tombent, mais il y a le son des arbres aussi. Moi, par exemple, vers mon IUT, il y a des espèces d'arbres qui font pas mal de bruit avec le vent. sage africain dit qu'il faut toujours remercier l'arbre sous lequel on a ramassé de très beaux fruits pendant la très belle saison. Nous profitons de cette opportunité pour vous dire merci de nous avoir écoutés. Nous. Et l'autre. Et après être arrivés et avoir été accueillis sur le campus, nous allons pouvoir ensuite le traverser avec l'équipée suivante. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes sur la fréquence de Radio Campus. Ce que nous allons vous présenter par la suite est un montage audio que nous avons appelé Transecte sonore, voyage vers l'arboretum. Cet audio est une véritable déambulation auditive, un cheminement poétique. C'est un parcours des sons que l'on peut percevoir depuis le cœur du campus universitaire de Grenoble, avec ses cafés et sa vie, jusqu'à l'arboretum du campus. L'arboretum, qui est cet espace paysager, ce parc constitué d'essences végétales variées et qui compose une collection d'arbres, d'arbustes et de plantes. Nous avons voulu vous faire écouter ces sons qui sortent du domaine de ce que l'on a l'habitude de prendre le temps d'écouter, mais qui sont pourtant avec nous au quotidien et qui accompagnent notre vie, de la plus banale des conversations aux chants d'oiseaux à la sortie des bibliothèques universitaires, en passant aussi par le bruit de nos moyens de locomotion. Autant de sons que notre oreille filtre en permanence et que vous allez prendre le temps d'apprécier pendant ces quelques minutes de flânerie dans un des espaces les plus contrastés de Grenoble, le campus. Vous allez embarquer dans une virée auditive partant d'un espace vivant, animé et anthropisé, jusqu'à un espace vivant mais d'une autre manière, plus apaisé et plus naturel, si l'on oublie pour un temps le bruit de fond de la rocade, l'arboretum du campus. 618 mètres de trajet dans le monde réel, et un parcours sonore qui va vous plonger dans les hospitalités et les ambiances du campus. On vous souhaite une bonne déambulation. C'est que j'ai tout fait, j'ai débranché, j'ai rappé, j'ai ramené. Meuf, j'ai deux roues voilées là. Non mais attendez, meuf, c'est... Oh, j'ai peur. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. C'était le voyage vers l'Arboretum. Nous cédons maintenant l'antenne à l'équipe suivante. Alors, ici Jean sur Radio Campus 90.8. Bonne écoute. La première suggestion pour notre intervention dans la transmission prévue pour l'école d'hiver 2024 sur Radio Campus est venue en lisant le titre de la saison, Décalage contrôlé. Traduit en anglais, Control Delay devient immédiatement une suggestion technique et musicale, surtout pour ceux qui, comme nos étudiants ici présents, s'occupent de nouvelles technologies appliquées à la musique. Le délai est un effet sonore bien connu. En musique, le décalage est au cœur de la répétition, donc de la mémoire. Depuis des siècles, dans l'écriture musicale, le canon, la fugue et le contrepoint sont des techniques de composition issues du décalage. Et dans un sens plus large, la répétition contrôlée est au cœur de la composition musicale. Alors ça, c'est sorti en décembre aussi. C'était « Que la piche soit avec moi » de Rebecca Warrior et Claire Otaoué. Rebecca Warrior, membre, entre autres, du Sexy Sushi. Et Claire Otaoué, membre du collectif Astéréotype. Pas un jingle sur toi? Alors ça, c'est sorti en décembre aussi. C'était « Que la piche soit avec moi » de Rebecca Warrior et Claire Otaoué. Rebecca Warrior, membre, entre autres, du Sexy Sushi. Et Claire Otaoué, membre du collectif Astéréotype. La deuxième suggestion est venue lors de la discussion à la fin de la journée de mercredi, qui portait sur le thème de l'hospitalité. Lorsque nous nous sommes demandé comment ce sujet pouvait être interprété en termes musicaux, il nous est venu immédiatement à l'esprit de penser à la résonance. Accueillir un son, c'est le faire résonner, lui donner du corps, du temps et de l'espace. Nous en avons parlé avec Frank Ginistri, qui nous a suggéré de lire le philosophe Hartmut Rosa, qui a publié en 2016, laisser résonance. Thank you. selon Wikipédia, la résonance est définie comme une forme de relation au monde, associant affection et émotion, intérêt propre et sentiment d'efficacité personnelle, dans laquelle le sujet et le monde se touchent et se transforment mutuellement. La résonance est donc une relation de réponse dans laquelle le monde et le sujet parlent de leur propre voix. Ce n'est pas un simple état émotionnel. Si les larmes peuvent attester d'un état de tristesse, celles-ci témoignent de l'établissement d'une relation de résonance entre le sujet et ce qui cause sa peine. Sur le thème de la résonance hospitalité, nous avons donc décidé d'explorer différents espaces du campus en écoutant en direct Radio Campus à l'aide d'une vieille radio de poche à transistor et en l'enregistrant avec un microphone panoramique. De cette manière, ces fragments recomposés sont offerts à l'écoute. La radio, dans le double sens de canal de transmission et de dispositif de réception, étant hébergée par les résonances de différents espaces acoustiques du campus et reproduit en décalage quelques jours et quelques heures plus tard. Le mercredi et le jeudi résonnent maintenant. Hein? Radio Campus. Ah oui. Ah, génial. À bientôt. À bientôt. Le concept de résonance, décalage, delay, nous a ensuite facilement conduit à I Am Sitting in a Room d'Alvin Lucier, une œuvre séminale dans l'histoire du sound art, composée et présentée en 1969. Dans cette œuvre, Lucier s'enregistre en train de narrer le texte explicatif de la composition même, puis amplifie la bande et la réenregistre. Le nouvel enregistrement est ensuite diffusé et réenregistré. Et le processus se répète. En raison de la taille et de la géométrie particulière de la pièce, certaines fréquences de l'enregistrement sont accentuées, tandis que d'autres sont atténuées. Finalement, les mots deviennent inintelligibles, remplacés par les fréquences de résonance caractéristiques de l'espace lui-même. Sur Terre en ce moment, c'est de la merde, sauf une chose, la musique. La musique, ça, c'est fort. Alors, pourquoi ne pas utiliser la même technique en utilisant un fragment d'une émission de Radio Campus, transmise en direct à partir de la vieille radio portable, en identifiant un espace de résonance approprié, choisi parmi ceux utilisés pour héberger les activités de l'école d'hiver ? la pièce d'Alvin Lucier dure environ 45 minutes. Mais sa durée est virtuellement infinie. Pourrait-on imaginer une pièce qui se développerait pendant toute la durée de cette émission, restant souterraine et silencieuse pour émerger, comme des virgules sonores, entre ces épisodes ? Présent, déployer d'une autre manière la question de la résonance dans un bâtiment du campus. Comment la résonance s'articule-t-elle avec l'hospitalité? Les bâtiments Muse, est-il hospitalier d'un point de vue sonore? Merci Giuseppe pour ces interrogations. Effectivement, nous avons eu l'occasion de cheminer dans Muse et écouter la manière dont il vit. Muse, c'est un nouveau bâtiment du campus qui a ouvert très récemment, à la rentrée 2023. Ici, à l'antenne, nous vous proposons, à vous, auditeurs, auditrices, une visite sonore insolite de Muse, dont les enregistrements ont été captés la semaine du 26, en pleine préparation matérielle de l'inauguration du 29 janvier. En suivant un parcours usager, on essaye d'approcher au mieux la manière dont on peut résonner en lieu et en nouveau bâtiment. On pourra suivre une personne qui découvre et parcourt les différents espaces, passant par les ambiances intérieures et extérieures de Muse. Celles-ci se mélangent et se confondent, parfois, bouillant ainsi nos perceptions. Imaginons une journée ordinaire d'un étudiant, d'une étudiante, qui vient au centre de santé, puis découvre le centre d'accueil du Crous avant de se perdre au Fab Lab. Il ou elle chemine entre les patios, escaliers, passerelles du bâtiment qui communiquent entre eux et forment un orchestre phonique continuel. Cette immense structure de 6200 m² rappelle la halle industrielle qui la précédait, liée en béton, charpente métallique et ossature bois. Entre ses ailes et au milieu des passerelles, le vide a une place importante dans ce volume architectural titillant l'oreille. Ce lieu, pensé par les architectes comme un quartier, réunit différents services étudiants où ces derniers se posent, discutent, se soignent, s'informent et créent des projets et des liens. Dans notre morceau, vous allez découvrir les effets sonores spatiaux qui nous permettent à la fois de nous situer mais aussi de nous perdre dans l'espace. Le passage entre l'intérieur et l'extérieur est parfois peu clair. C'est cette particularité de ce bâtiment qui nous questionne sur le confort sonore et l'hospitalité de ses habitants. On vous propose de suivre une balade passant de la cour et de ses derniers travaux jusqu'au couloir, hall d'accueil, salle d'attente et porte qui claque. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse apprécier la visite sonore de Muse. n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de médecin. Demain matin. Somewhere in the center of the city. So you can find any accommodation. But we also provide a list of other accommodations as well. So the community list, and again, an interactive map. Какая крутая штука. L'école est d'accord pour participer à un genre de 800 euros. Voilà. Après cette plongée dans le son de Muse, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut dire que dans ce parcours sonore, plusieurs des qualités du bâtiment sont audibles. Son silence d'abord. L'isolation phonique est mise en avant par les personnels qui y travaillent, qui la comparent rapidement à leurs anciens lieux de travail. Mal isolés, tant phoniquement que thermiquement d'ailleurs. Les consultations de médecine, les étudiants reçus dans les bureaux du Welcome Center ou à l'accueil handicap, profitent de cet accueil qui permet une forme d'intimité. Les personnels, quant à eux, sont plusieurs à évoquer la forme de rêve éveillé que constitue l'amélioration de leurs conditions de travail. Mais ce silence n'est pas si silencieux. Le bâtiment respire. Comme vous avez pu l'entendre, les bruits de soufflerie sont importants. On en perçoit certains depuis la cour intérieure, et des bureaux ou des salles de réunion souffrent de l'absence de contrôle sur ces bruits mécaniques. Il faudrait alors plutôt évoquer une ambiance feutrée. Ambiance feutrée, à préserver, mais qui doit se modifier pour que le bâtiment ne fasse pas que respirer, mais permette à ses usagers de respirer aussi. Les sons captés montrent que les espaces de travail, peu bruyants et bien isolés, permettent la confidentialité nécessaire. Mais dans le qualificatif « feutré », on sent encore un bâtiment qui n'est pas réellement habité. Les usages sont variés. Cependant, ils sont guidés. L'espace reste impersonnel, difficilement appropriable. Il résonne, laisse les échos de voix s'échapper puis revenir, ne laisse que peu de place à la tranquillité. Les pauses se font dans des espaces communs, bruyants. Dans le même temps, certains lieux ne sont pas encore appropriés du tout. Pour l'inauguration, le bâtiment est apprêté, nettoyé, comme on l'entend dans la bande son avec les bruits de travaux. Le bâtiment Muse respire. Il ne vit pas encore complètement, mais il continuera avec le temps d'être identifié, repéré et approprié, aussi bien par les étudiants que par les personnels. Sa qualité hospitalière va ainsi évoluer. Tout l'enjeu est de concilier espace de vie et espace de travail. Comment, alors, faire vivre le bâtiment Muse, laisser la pluralité d'usages et de services personnalisés tout en gardant la tranquillité et l'intimité des espaces et des personnes. Merci pour votre écoute. Cette expérience intérieure-extérieure vous a été proposée par Johanna, Zina, Brigitte et Audran. Le passage d'un côté et de l'autre, intérieur-extérieur, affecte nos oreilles comme l'ensemble de nos sens. Nous vous laissons explorer de nouveaux horizons avec Jules, Claire, Camille et Eba. Ici Ariel, bienvenue sur Radio Campus Grenoble 90.8. Bonjour à tous et à toutes. Et si l'hospitalité résonnait avec convivialité et espace d'intimité ? Comment cela se manifeste-t-il spatialement ? Est-ce la même chose lorsque nous sommes à l'intérieur ou à l'extérieur ? Quels sont les sons qui en témoignent ? Notre petite équipe s'est focalisée sur cette opposition entre intérieur et extérieur. Nous nous sommes rendus compte que les limites entre les espaces sont souvent poreuses, entremêlées, créant des entre-deux où les discussions autour d'un café, quelques mots échangés en attendant un ascenseur, regroupent les personnes et provoquent des ambiances à la fois mouvantes et éphémères. Il semble qu'il n'existe pas une forme d'intérieur ou d'extérieur, mais des formes. La place du damier offre-t-elle une forme d'intérieur ? Le campus en lui-même n'est-il pas une bulle d'intimité avec ses propres codes et ses propres sons ? Chaque lieu a toutefois sa particularité, sa forme d'intérieur ou d'extérieur. La bibliothèque impose des moments de silence une fois sa porte passée. La piscine grouille de voix et de portes qui claquent. Les berges de l'Isère offrent le calme et accueillent les sportifs et sportives accompagnés de leurs fidèles compagnons. Tout au long de notre expérience, cette binarité entre intérieur et extérieur nous est apparue de plus en plus fragile et complexe. Puis, autre chose est venue nous interroger. Le ressenti sonore de ces espaces semble dépendre énormément des perceptions de chacun et chacune. Nous avons pu échanger avec une artiste et danseuse nommée Gomar, qui souffre de surdité. Pour elle, certains lieux demandent beaucoup d'énergie pour parvenir à comprendre son entourage, pendant que d'autres espaces sont plus apaisants et accueillants. Nous vous proposons de vous plonger dans les sons du campus, de retrouver les lieux dont ils proviennent. Peut-être même à interroger vos ressentis. Dans quel espace êtes-vous le mieux ? Bonjour. Avec moi. C'est génial, génial. Il n'y a que du grave. J'entends pas trop les bus passer parce que c'est pas vraiment de l'aigu. Et j'arrive à vous entendre un peu mieux. Et c'est calme parce qu'il y a aussi le bruit du vent. Enfin, je sais pas comment expliquer, j'entends pas le bruit du vent, mais je ressens l'atmosphère du vent qui apaise un peu mes oreilles parce que j'ai des acouphènes aussi en même temps. Et du coup, c'est là ça va. Après, je sais plus. Par exemple, je me souviens quand j'étais étudiante, il y avait des cours, mais ça dépendait. Ça dépendait des professeurs, ça dépendait des types de voix. Il y avait des voix que j'arrivais pas à supporter. Enfin, que ça me faisait aussi pas mal. Les concerts, ça va, mais j'ai beau me parler, je vais faire répéter aux gens et c'est juste insupportable pour moi et comme pour les gens de leur faire répéter leurs phrases alors que c'était possible. Dans le prolongement de cette expérience sonore, nous vous proposons d'écouter les bruits d'un lieu bien spécifique. Le groupe suivant s'est attaché à retranscrire les moments de vie de Ève. Nous leur laissons l'antenne. Bonjour. Excusez-moi, vous connaissez Ève ? Je cherche Ève. Tu connais Ève ? Excuse-moi. Est-ce que tu connais Ève ? Est-ce que vous connaissez Ève ? Je cherche Ève. Je cherche Ève. Vous connaissez Ève ? Je cherche Ève. Non. Pas du tout. Je n'ai aucune idée. Voilà. Ève. Vraiment, je sers à rien jusqu'en qu'on puisse. Ça me parle, mais sur le téléphone, vous trouvez pas ? Mais y a pas sur Maps ? Putain, mais je suis sur le campus et je connais que mon école, en fait, je suis une sourate. Ah, mais oui, attends. Attends, pas du tout, en fait. Si ! Tu vois où les gens sont assis, là ? C'est ouais. Par là. Tu juste tout droit. Normalement, là, t'as juste à tourner à droite et normalement, il y a le bâtiment. Hein. Regarde, là, c'est l'amphi qui est ici. C'est un peu... c'est qui là-bas ? Ah oui, merci. Pas mal. T'as de la chance. Après-midi. Merci. S'il te plaît. D'accord. On va additionner d'abord, s'il te plaît. Prends un truc, je pense que je vais me prendre un café aussi. Tu veux un café ? Ouais. Il est pas là, il est en espagnol. C'est brûlant. On n'a pas de cuillère pour tuer le café. C'est juste un privilégié qui n'a aucun problème. Et du coup, ne se remet pas en question la société parce que. Ouais, bah, de toute façon, on va voir si c'est. Je pense qu'il sera assez puissant. Et Jamel me disait qu'il était peut-être trop puissant. Voilà, donc on disait on laissait la C70 en fixe. Ouais. Et tu vois si tu te mets un log ou Ça avance bien. Non mais oui, toujours dans les matins. Pas de canette, pas de bouteille en verre, pas de ciseaux, pas de Uzi, pas de Kalachnikov. Ah merci, bon. Ça dépend la canette. Et si on fait la pâte, juste à côté on la cuit. Et juste à côté, on m'en sert. On en caisse. Sur les deux côtés, si on fait une crêpe. C'est bon, là, je me sens un peu seul et les gens, ils s'accumulent. Il y en a quand même 4, quoi. C'est vrai que Ben, 3e crêpière. Dans le bureau bénévole. 4e. Mais avec un grand plaisir. Et je dis pas ça parce que je suis enregistré. Mais ouais. Ok. Par exemple, toi, tu as l'impression que quand une personne te drague, tu as plutôt l'impression d'envoyer des signaux assez clairs sur ta position par rapport à l'autre personne. Bah, je vais pas dire sur ma position, mais sur comment je le sens avec l'autre personne si je veux être. Enfin, dire, si je vois que je fais chier l'autre personne, ça, enfin, ça se voit, tu vois. Sur... Bien sûr. Pareil, si ça se voit qu'elle apprécie aussi qu'on lui parle ou quoi. En fait, je pose la question pour voir comment toi, par exemple, si tu te trouvais dans la position de la personne draguée, est-ce que tu as l'impression que tu donnes toujours des signaux clairs qui permettent à l'autre de. Je suis pas une carte base, genre je vais quand même avoir des réactions et tout. À moins que je fasse semblant de cacher mes réactions et tout, mais. Vous connaissez un petit peu le... Non. Alors nous, on est les ERE, on est les étudiants relais égalité. Donc on travaille à l'UGA avec notre chef d'équipe qui est le chargé... c'est quoi son poste exactement ? C'est tout ce qui est, voilà, tout ce qui est sensibilisation au droit à la non-discrimination, toute forme de discrimination. Donc on a plutôt les discriminations, ça peut être raciale, ça peut être lié au genre, ça peut être lié à l'orientation sexuelle. Faut qu'on prenne un petit bracelet. Bonsoir. Non, on n'en a pas encore. Tenez. Attention. Merci. On peut entrer sortir avec. Oui, oui, c'est ça, parce que j'ai vu personne. Comment ça, mon rapport ? Hein ? Ouais, mais les autres travaillent. Un beau bracelet. Merci. Il se revient. Allez, hop. Bon concert. Merci. Est-ce que ça va être ce soir ? On était là. Ou presque. On tapait frénétiquement sur nos écrans pour éviter de se regarder dans les yeux, combler le vide intersidéral créé par l'ennui, un tiers sidérant. Plus besoin de parler, plus besoin de tourner sa langue dans sa bouche avant de dire une connerie. À distance, nos bouches s'en mêlent déjà. À distance, elles se parlent, oui. C'est notre langue commune. Imaginer son contact est satisfaisant. Un soupçon de réalité et je laisserai tout tomber. Tout tomber. Est-ce que vous connaissez Ève ? Ève, c'est l'espace de vie étudiante du campus de Saint-Martin-d'Air. Gratuit, ouvert à toutes et à tous. On y trouve un café, une terrasse ensoleillée les jours de beau temps, des micro-ondes, un espace culturel, une salle de concert, les locaux de Radio Campus. Se questionnant sur la notion d'hospitalité, Ève s'est trouvé être le lieu propice à cette étude. Comment peut-on définir l'hospitalité ? Partage, accueil, convivialité, vivre ensemble, tranquillité, confort, sécurité, charme, intime, vivant. L'hospitalité se décline sous plusieurs formes. C'est un terme subjectif lié aux émotions, aux ressentis de chacun. C'est par le son que ces formes deviennent palpables. C'est par le son que ces évolutions dans le temps deviennent perceptibles. C'est par le son qu'elles s'ancrent dans l'espace. C'est la première fois que je viens. Cette journée de 24 janvier, on vient bosser, poser son ordi entre deux techniciens. L'un qui roule des câbles, l'autre roule une clope. Ils s'échangent des... On l'a mis où, le double XLR monojack ? Ah, je sais pas, moi, je me suis mis en RJ45 et j'ai balancé la sortie 12 sur l'entrée microbasse. Ça devait être un truc comme ça, j'y connais rien en technique. Je vais commander un café sur un son de Supreme NTM. Je trouve ce lieu méga convivial, mais je comprends que la musique non-stop puisse en rebuter certains ou certaines. On est loin de l'ambiance BU, où le moindre bruit de bouche, le moindre gargouillement... et mal interprété. Dès qu'il a été question de l'hospitalité du campus, j'ai envie de revisiter Ève. Même en tant que personne qui ne fréquentait pas le campus pour études, j'avais eu accès à Ève la première fois pour des raisons militantes, parce qu'il y avait une soirée de soutien au centre social autogéré du 38 à Saint-Bruno. Et depuis, j'y reviens parfois, autant pour les concerts et événements gratuits que pour les émissions ou le canapé de Radio Campus, ou juste pour réchauffer un repas sans devoir batailler au crous. C'est cette liberté que permet un espace autogéré qui m'a plu, en tant que personne extérieure à l'université, et j'ai eu tout de suite envie de faire découvrir Ève par une ambiance sonore, un peu saturée, mais qui rayonne dans le silence général de l'université. Good afternoon. You're listening to Campus Radio 90.8. This is Mark. C'est les coquillages. Fragment sonore numéro 1. Fragment sonore. C'est pas pour les décibels, ça ? Non. Si. c'est clairement là, hein, ici. Il y en a, oui. Moi, j'habite là, donc, ouais, mais ça m'en va là. Numéro 2. Qu'est-ce que ça m'inspire? Je suis au niveau numéro du 3e rang. Sono le zattere, il volume 8, decibel sono 70. Bon, bah, d'accord. Y'a pas de soucis. Fragment sonore. Alors, il y a plusieurs niveaux, on peut parler de plusieurs choses. Hein, parce que si ça vous intéresse, c'est plutôt environnement. Ambiance. Meno 0. Fragment sonore. Numéro 5. Ok. Donc, c'est. Bon, là, parce que je. J'avais même pas eu de dire des choses, etc. Fragment sonore, etc. Comment dire? L'émission touche à sa fin. Vous venez d'écouter l'école d'hiver du Cresson, 12e du nom. Un grand merci à Radio Campus Grenoble et très particulièrement à Clara, à la technique. Merci aux partenaires de cette aventure, la Massie, dans le cadre du projet Performance Lab, écoutez la performance, le CROUS, l'Université Grenoble-Alpes et le Cresson. Ainsi, bien sûr, que tous les participants. Et à vous, auditrices et auditeurs, merci pour votre attention et votre écoute. À bientôt sur Radio Campus.